l'impression que tu faillis. J'ai ce doute dans mes songes. C'est comme si il y avait quelqu'un dans ta vie. Je ne suis pas de celle qui pleure. Je ne suis pas de celle qui reste. Et je ne fais plus battre ton cœur. Si je ne suis plus ta princesse. Mais je t'aimerai toujours. Je serais perdue, mais je préfère faire ma vie. Je partirai avant l'heure, avant que tu ne fasses un geste. Je partirai telle une fleur qui finit dans la détresse. Mais je garderai le souvenir dans mon cœur, c'est sûr, de ma mémoire. J'effacerai le pire. Les choses sont sûres, je t'aimerai toujours. Je garderai le souvenir. Je garderai le souvenir.